et bienvenue dans Délivrez-nous, le podcast qui parle des livres et nous. C'est Dino au micro. C'est Bibiche au micro. Bonsoir Bibiche. Bonsoir Dino. J'ai le sentiment qu'on a oublié quelque chose dans cette intro. Ah bon ? Alors pas les chats, puisqu'on a nourri les chats. voilà, il est 21h42, les chats sont nourris, une heure en avance. Donc du coup, on devrait avoir une émission sans chats. Normalement. Par contre, on aura une émission avec des livres, puisque rappelons que le concept de cette émission, c'est qu'on a lu pendant ce mois de juillet, puisque rappelons que nous sommes le 34 juillet. Déjà le 34 juillet ? Oui, alors après, si on tient compte du fait qu'en juin, il y avait déjà eu 34 jours, normalement, on doit être aux alentours du 28 ou du 29 juillet. Mais du coup, on a lu un livre pendant ce mois de juillet. Oui. Et on va faire nos commentaires sur les livres que nous avons lus et que nous nous sommes vus lire mutuellement. Oui, oui. Cette fois-ci, nous nous sommes vus lire tous les deux. C'est vrai. Quel était le thème du mois de juillet ? Donc, c'était un roman qui se déroule pendant une révolution. Et parce que c'était le 14 juillet. Oui, et ça, donc, du coup, voilà. La Révolution française. Et du coup, on a tous les deux choisi un livre qui parle de la Révolution, pas française. Alors que moi, j'avais un livre sur la Révolution française. J'avais un roman qui s'appelait 14 juillet. C'est vrai ? Oui, que j'ai acheté. Je l'ai acheté où ? Je l'ai acheté dans la librairie de... là où il y a Lille. Le Marais-Noléron. D'accord. Je me rappelle où je l'ai acheté. Le Marais-Noléron, c'était il y a longtemps, alors tu l'as acheté. Oui, il y a 2 ans. La couverture était jolie. On est allé à Marais-Noléron il y a Non, moi j'y suis allé. Ah oui, quand t'étais à La Rochelle. Voilà. Parce que j'espère bien que tu ne m'as pas caché des choses. Non, c'est pas mon genre. donc du coup, petit rite traditionnel de début d'émission. Oui. On s'échange. Les livres. Les livres. Pas les anneaux, hein, parce que j'ai pas mon alliance avec moi. Bah pourquoi t'as pas ton alliance ? Parce que j'ai fait une tarte et que j'ai étalé la pâte de la tarte, du coup j'ai retiré mon alliance. D'accord. Et accessoirement, j'ai retiré célibataire. Du coup, tu es un dino célibataire ce soir. Tout à fait. Donc je te donne mon livre rouge et tu me donnes ton livre rouge. Oui, puisque quand on parle de révolution, souvent c'est un petit peu coloré. C'est pas le même rouge, mais ils sont tous les deux rouges. Oui, c'est vrai. Le tien est rouge limite orange. Oui, le rouge orangé, le tien est bien rouge... Rouge, presque rouge Ferrari. Presque, bah, les deux sont rouge Ferrari, ça, après il faut préciser la saison. et donc je suis en train de lire ton livre alors qu'en fait non, on est dans un mois impair. Et oui, les mois impairs, donc c'est toi qui commences. On commence par mon livre. Donc le livre que tu viens de me donner s'intitule Le voyage imaginaire et l'auteur c'est Léo Cassil. Donc la couverture fait... le livre est rouge. On voit des yeux dessinés avec un nez et à l'endroit où devrait y avoir la tête, le sommet du crâne, il y a une ouverture sur un monde visiblement imaginaire puisque c'est un voyage imaginaire. En tout cas, il est imaginé. Un monde qu'il a imaginé. On voit une montagne avec un château, une branche, un trou dans le sol et un peu d'eau. On voit que c'est un monde qui vient de son cerveau, qu'il a imaginé. Et donc c'est un livre de la collection. Alors c'est quoi l'éditeur ? C'est Attila, la maison d'édition. Attila. Alors c'est une maison d'édition qui n'existe plus, enfin qui s'est séparée. Et c'est une maison d'édition, ça expliquera d'ailleurs un peu la couverture et un peu l'ensemble du livre. C'est une maison d'édition qui a été créée, je crois, en 2009 et qui s'est arrêtée en 2013. Oh, c'est court. Et en fait, apparemment, l'ambition, c'est de publier des livres, mais aussi avec un sens artistique. D'accord, d'où la couverture un peu artistique. C'est ça. Et j'ai vu, quand on regarde sur le... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça, ce n'est pas la quatrième de couverture, du coup, c'est le revers. Hein. C'est le revers de couverture. En fait, il y a à la fois une petite présentation de l'auteur, mais également de la personne qui a illustré le livre. Oui. Donc à noter que c'est un, alors ça, sa petite importance, c'est un livre qui est assez ancien puisque qui a été publié en 1931. Ça a été écrit entre 1928 et 1931. Visiblement, ça a été publié initialement. Je dirais pas des chroniques, mais ça a été publié apparemment dans un journal, je crois. Dans un journal et ça a été publié en volume en 1931. Et du coup, le choix de la maison d'édition, c'était de garder la traduction qui a été faite en 1955. Oui. Puisqu'il se trouve que c'est un livre russe, d'un auteur russe. Il faut le préciser parce que quand on donne le nom de l'auteur, Léo Kassil, ça ne donne pas forcément l'impression que c'est russe. Son vrai prénom, c'est Lev Kassil. Mais quand ils ont traduit, ils ont un peu francisé le prénom. Et donc, du coup, ça a été même gardé. Même Kassil, fait pas forcément, t'as pas forcément une connotation russe dans le nom. C'est pas Kassilovitch. Tout à fait. Et du coup, c'est un auteur soviétique. Et qui a été découvert par Malraux, en fait. Malraux l'a découvert et c'est Malraux qui a plus ou moins apparemment appuyé. Il a vraiment adoré le bouquin et c'est lui qui a demandé à ce qu'il y ait une traduction qui soit faite pour qu'il soit publié en France. On a bien fait nos recherches Wikipédia. Et donc du coup, merci Wikipédia, on vous salue. Pleine de grâce. pleine de graisse, hein, parce que c'est souvent écrit en gras. Petite blague d'imprimeur. Mais du coup, c'est la traduction de 1955. Donc, par exemple, sur le livre, enfin, dans les noms des traducteurs, ce sont les traducteurs de 1955 qui sont crédités. 1955, d'accord. Et par contre, l'illustrateur, c'est un illustrateur moderne. Récent. Et donc, du coup, ce livre, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il parle ? Eh bien, il parle. C'est un livre, c'est un roman autobiographique. Il parle de... donc on est en 1917. En tout cas, au début, on est en 16-17. Mm-hmm. On doit être en 17. Il n'y a jamais véritablement de date, mais bon, il y a quelques événements qui sont marquants. On est en Russie, il parle de révolution. Il s'est passé quelques petites choses en 1917. On est en 17 et on suit deux frères. Alors, si je ne me trompe pas, le frère aîné qui est le narrateur, c'est Lolia. Mmh. Et son petit frère Oskar, deux frères qui sont deux enfants de la bourgeoisie russe, puisque le père est médecin, la mère est prof de musique, et donc il se trouve que dans la vraie vie, Lev Kassil, son père est médecin, sa mère prof de musique, ouais, il a un petit donc frère. Il raconte vraiment, c'est lui et son frère. Donc c'est effectivement c'est un roman autobiographique où. Il raconte à la fois, il témoigne un petit peu de ce qu'il a vu et vécu de la révolution russe, même si je pense que je ne le vends pas très bien en disant ça. Mais c'est un livre que je vais avoir beaucoup de mal à vendre, hein. faut le savoir. Oui, parce que c'est un livre que tu as eu beaucoup de mal à lire, de mon point de vue, quand je t'ai vu le lire. Oui. Mais parce que je pense que ce n'est pas un livre qu'il faut lire comme je l'ai lu, en tout cas. Mais du coup, l'histoire, c'est l'histoire de ces deux frères qui vont s'inventer en fait un monde imaginaire qui s'appelle la j'arrive jamais à le prononcer. Alors attends, la Schwambrani. C'est écrit au début. Oui, vas-y. La Schwambrani, ouais. Le grand état de la Schwambrani. Oui, sur le continent de la grande molaire. Et donc, du coup, il s'invente ce monde imaginaire. Oui, d'ailleurs, si tu veux, je peux lire ce petit texte d'introduction qui est la première page. Récit d'aventure extraordinaire de deux chevaliers ayant découvert, en quête de justice sur le continent de la Grande Molaire, le grand état de la Schwambrani, avec la description d'événements étonnants survenus sur les îles errantes, ainsi que beaucoup d'autres choses racontées par l'ex-amiral Adélard de Karchandar, présentement connu sous le nom de Léo Kassil, avec en annexe une multitude de documents secrets, de cartes de navigation, et les armoiries de l'État et le drapeau original. Autant vous dire que passé cette page, oui, on n'est plus vraiment dans ça. Alors, juste pour dire, c'est un roman. Alors, c'est pas un roman de poche. C'est un roman qui fait. Alors, à la fin, il y a plein d'annexes que j'ai pas comptées. Alors, je conseille d'ailleurs, effectivement, à la fin, vous avez trois annexes qui sont faites par la maison d'édition, par l'éditeur lui-même. Une annexe biographique, une annexe sur qui explique un peu le contexte de publication, puisque c'est un livre qui est publié en 31. Il se trouve que le frère de Lev Kassil va avoir des petits problèmes puisqu'il est journaliste et il va être tout simplement exporté, enfin, comment ça s'appelle, interné dans un, c'est, j'avais externé, mais je ne le trouvais pas externé. il va être interné dans un camp de travail, il va être tué en 1938, la famille ne l'apprendra qu'en 1943. La belle-sœur de Lev Kassil va aussi avoir des problèmes avec la femme de avec son les frère. Autorités, la femme de son frère. Et donc après ces problèmes-là, le livre qui était un livre de un livre jeunesse et un livre qui a bien marché a arrêté d'être publié. Oui. Il est resté dans la bibliothèque hein, un peu partout, donc il était toujours disponible, mais on a arrêté de le publier et de le vendre. D'accord. Jusqu'en 1955. Oui, les enfants pouvaient aller à la bibliothèque pour le lire. Voilà, par ils pouvaient. C'était pas un livre interdit, mais c'était un livre. Et donc c'est un livre de 230 pages. Bah comme le frère avait été quand même interné dans un camp de travail puis exécuté. Bon, on n'a pas voulu publier. Oui, c'était pas un livre qu'ils allaient mettre en avant. Ouais. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que j'ai pu voir qu'il fait partie des 100 livres que les on va dire les écoliers russes doivent lire en fait, qui sont conseillés dans leur. C'est une collection de livres effectivement en Russie qui s'appelle les 100 romans qui doivent être lus par les enfants. C'est ça, c'est une collection. C'est le numéro 58. Oui. Une collection de livres qui doivent être lus par les écoliers au cours de leur scolarité, qui sont bien, qui sont conseillés, quoi. Mais donc, du coup, voilà, il y a assez, effectivement, je viens de retrouver pourquoi, parce que tu es parti sur les pages, du coup, on disait qu'à la fin, il y avait des annexes. Il y a une annexe biographique, il y a une annexe sur le contexte un peu de publication, et puis il y en a une troisième qui replace un petit peu l'œuvre dans la réflexion et son importance pour les situationnistes. Voilà, je ne rentrerai pas là-dedans. D'accord. Parce que, donc nous en étions restés au bout de la septième page, c'est plus du tout un monde imaginaire et je t'ai vu faire une tête bizarre. Si tu lis cette première page, tu as l'impression effectivement que tu vas lire un roman écrit par des enfants. Enfin, que tu vas lire les aventures, effectivement, de ces deux chevaliers. Tu t'attends à voir un peu ça. Deux enfants qui imaginent un monde imaginaire et qui créent des aventures et racontées par l'un des deux devenu adulte, en fait. Voilà. Alors que dans les faits, tu vois plutôt, ça raconte. Enfin, tu vois plutôt, ça va pas vraiment exprimer la manière dont c'est écrit, mais tu verrais plutôt un adulte qui te raconte. Comment enfant il a imaginé un monde imaginaire, même si c'est pas exactement ça, mais c'est un peu plus sérieux, moins romanesque entre guillemets, moins chevaleresque que ça peut paraître, puisque effectivement le pays qu'il crée, donc c'est un truc tout bête, hein, ils se disent, enfin ils jouaient aux échecs, ils ont récupéré une pièce d'échecs et puis ils ont perdu la pièce d'échecs, ils se sont fait engueuler par leur père, un énorme savon, et puis ils ont retrouvé cette pièce d'échecs cachée sous un meuble. Oui. Et ils se sont dit, du coup, on va la protéger et puis on va se faire notre propre univers autour. Donc c'est la reine, donc ça va devenir la reine qui va finir par moisir. c'est un jeu d'échecs en pain. C'est un, je sais pas. Et donc, du coup, ils vont à chaque fois greffer, mais c'est que ça. C'est-à-dire que leur monde imaginaire, c'est exactement un monde tel que nous, on les a conçus comme enfants. C'est-à-dire que c'est un monde qui vient se greffer sur la réalité. Oui. C'est un livre en réalité augmentée, en fait. C'est-à-dire que vous voyez la révolution de 1917. Et on rajoute les lunettes de réalité augmentée. Mais avec effectivement cette Chambrani qui est un peu. Je te le repense. Oui. C'est le moment où je lis des extraits et donc je massacre la littérature. Il y a quelques passages qui sont très intéressants. Parce que la Chambrani, elle est nulle part et partout en même temps. Oui, en fait, ce n'est pas le récit de leurs aventures imaginaires en Chambrani. Non, il n'y a pas. C'est vraiment. Il n'y a pas de. Oui, ils nous racontent un peu l'histoire qu'ils ont imaginée. Ils nous racontent un peu que, bah oui, ils ont dû imaginer un peu le gouvernement. Ils ont imaginé la géographie. Il y a un extrait sur la géographie. Ils ont imaginé des choses qui d'ailleurs sont un peu, mais très enfantins. Mais alors, nous remarquâmes qu'il n'y a. Attention, le début est un peu abrupt. Mais alors, nous remarquâmes qu'il n'y avait pas de lutte qu'en géographie. Toute la vie était dirigée par la lutte. Elle grondait dans les entrailles de l'histoire et... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas le bon passage. C'est pas le bon extrait. C'est pas le bon extrait. Le bon extrait, il va être... Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pages qui ont été notées. Ouais, pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça, mais c'est surtout... Alors, on y reviendra, mais... Alors, pendant que tu cherches, je vais parler d'une particularité du roman qui m'a frappée, moi, tout de suite, dès que tu l'as, dès que je l'ai feuilleté. C'est qu'en fait, il est écrit pas comme un roman normal, mais comme un journal sur deux colonnes sur chaque page. Oui, puis avec des passages qui sont un peu des passages graphiques où il y a des petits dessins. Oui, des... mais pour le coup, les petits dessins, ça ne m'a pas choqué parce que je me disais qu'un monde avec un monde inventé par des enfants, il doit y avoir, je sais pas, il peut y avoir des cartes dessinées ou si c'est des aventures chevaleresques, des messages ou des messages secrets. Oui. Et... Alors, donc ça, il y a rien de tout ça, mais il y a des, y a des ça, petits... Du coup, le fait qu'il y ait des choses qui ne soient pas écrites en caractère d'imprimerie classique, ça m'a pas choqué. Mais j'ai été frappée par le fait, parce que ça, je ne l'avais jamais vu dans un roman, le fait que ce soit présenté comme un journal sur deux colonnes sur chaque page. Ça fait comme si c'était des articles, en fait. Oui, hein. Alors je pense que c'est une... Il y a deux choix qui ont été faits par la maison d'édition. Tu as retrouvé Il y a eu de nombreux choix qui ont été faits par la maison d'édition. Tu as retrouvé je pense ton que extrait c'est un choix... Oui, je l'ai retrouvé. Le fait présenté, donc il y a deux colonnes par page. Je pense que c'est un choix qui est fait justement pour rappeler un peu le fait que ça a été publié... Ça a dû être publié dans un journal avant, mais aussi, je pense qu'il y a ce petit côté encyclopédique. Souvent, quand on ouvre une encyclopédie, ce n'est pas une masse en une seule colonne, il y a plusieurs colonnes, donc je pense qu'il y a un petit peu ce côté-là. Et il y a un autre choix qui a été fait, qui est extrêmement important, c'est... alors, je le dis parce que je fais comme tout le monde, c'est-à-dire que quand on te met des petits avertissements sur la page de gauche du titre, tu ne les lis jamais. Bah non. Voilà, bon, bah, il se trouve que dans cette page-là, ils te disent qu'à un moment donné, ils ont mis des petits zigouigoui. Et quand tu as un petit zigouigoui, bah, en fait, c'est que ce passage-là, il a été censuré dans l'édition 1955 et qu'ils l'ont remise. Ah oui, effectivement, c'est très important à savoir. Parce ça. Que en 1955, c'est quoi ce genre de petits zigouigoui? C'est des passages, en fait. Donc en 1955, quand le roman est republié, Lev Cassil, Il y a une partie qui a été censurée, ouais. En fait. Alors, j'ai pas compris si c'était de la censure ou de l'autocensure, je pense, qu'il y a un peu des deux. Bah, peut-être qu'il savait que pour que son roman soit republié, il fallait qu'il coupe certains passages. C'est ça. Il a coupé certains passages, et alors notamment en partie parce que au début des années 50, c'est Lev Cassil, il est juif, c'est une famille juive. Mm-hmm. Il y a en 1953, je crois apparemment, il y a un mouvement un peu anti-juif stimulé par Staline. D'accord. Donc du coup, ça fait pas bien. Dans un bouquin, de montrer des passages où pendant la Révolution russe, on n'aimait pas trop les Juifs, on n'aimait pas trop les Allemands, on était un petit peu anti-allemand ou ce genre de choses. D'accord. Voilà, donc je pense qu'il a retiré. Ces passages-là ont notamment été retirés. C'est les passages qui ne donnent pas forcément. Une bonne image. Une bonne image de la Révolution. Ou voilà. D'accord. Et tu dis qu'ils sont... quand tu les rencontres dans le roman, ils sont... À quoi tu vois que ce sont ces passages-là qui ont été... Il y a des petits zigouigoui, en fait. On dirait comme le symbole paragraphe, en fait. Les ouais. phrases qui ont été coupées et donc restituées dans le roman, elles sont entourées du symbole paragraphe. D'accord. Donc oui, effectivement, c'est important de savoir, de le savoir, parce que sinon, quand tu tombes là-dessus, tu te demandes pourquoi ce passage. Oui, et puis alors le moment, parce que il y a grosso modo deux grosses parties dans le livre. La première partie, c'est plutôt quand ils décrivent leur univers un peu avant la Révolution et le début de la Révolution. Mm-hmm. Donc c'est, faut imaginer, hein, c'est une maison de famille, c'est qu'ils ont des serviteurs, enfin des domestiques, des employés de maison. Voilà, donc ils passent beaucoup de temps à décrire. La deuxième partie, c'est une partie où la Révolution s'est faite. Je dirais l'éducation à la Révolution. Bon, clairement, les passages qui ont été retirés, c'est plutôt dans la première partie, parce que c'est plutôt le moment où on décrit un peu les traits du russe, y compris du russe révolutionnaire, qui ne sont pas toujours des traits très flatteurs. Donc, d'accord. Voilà, il y a des choses qui ont été un peu retirées. Mais pour revenir, après cette longue aparté sur la forme, donc ce qui fait que c'est un peu compliqué, c'est que des fois, je cherche en fait, parce que par page... Si tu as marqué quelque chose, tu ne sais pas forcément si c'est dans la première ou la deuxième colonne. C'est ça. Et donc, du coup, la chambre Brani, comme le monde que ce qu'on s'est imaginé quand on était gamin, il évolue au fur et à mesure du temps, et au fur et à mesure de la découverte de la vie ou ce genre de choses. Par exemple, là, il y a un extrait qui moi, me fait beaucoup rire. La statistique et la vraisemblance exigeaient des morts, et nous inaugurâmes un cimetière en chambre Brani. Ensuite, nous établîmes les listes des Schrambraniens que nous connaissions, des tsars, des héros, des champions, des malfaiteurs et des navigateurs. Nous faisions un choix minutieux de ceux que nous devions enterrer. Je tâchais de m'en tirer en faisant mourir des Schrambraniens de peu d'importance, par exemple l'exporteur d'eau de la cour ou bien le spécialiste en affaires étrangères. Mais le sanguinaire Oscar, le frère du héros, était inflexible. Il exigeait des victimes de marque pour que ça ait l'air vrai. Mine rien, dans son petit extrait, on voit comment, effectivement, on est sur des enfants qui imaginent un univers. Mm-hmm. Qui disent, ah bah oui, il faudrait faire un cimetière. Bah oui, c'est vrai. Et comment est-ce vrai. Que le monde du réel, et on est dans un monde réel où ces gamins qui sont pourtant des gamins de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie... Ils ont quel âge à peu près, les gamins? 8, alors, 10 c'est ans c'est un grand challenge parce que je ne sais pas quel âge ils ont. Et je ne saurais pas te dire quel âge ils ont. D'accord. C'est-à-dire qu'au début, ils ont l'air d'être très jeunes, d'avoir 8-10 ans. Mais quand même, à un moment donné, ils ont l'air d'avoir plutôt 16-17 ans. Bah, est-ce que c'est possible que ça ait continué sur plusieurs années? Ça ne colle pas avec le temps. D'accord. Mais c'est pareil. Tu n'as pas l'impression qu'il y ait 10 ans qui se soient écoulés, enfin 5 ans qui se soient écoulés entre le début et la fin du roman? Non, voilà, il y a du temps qui se passe, mais je n'arrive pas à mesurer le temps. D'accord. Je veux retirer, enfin, je ne sens pas qu'on se dise dans l'idée que c'est un livre qui nous raconte la Révolution russe. Pas du tout. C'est mm-hmm. des chroniques d'enfants qui racontent leur vie pendant la Révolution russe. Et il se trouve que dans ces chroniques de vie, ils nous racontent comment ils ont imaginé un univers, la Schrambranie, leur peuple, leur peuple. À eux. Et comment ils ont transposé leur monde idéal. D'ailleurs, ils le disent dans un extrait que je me mets au défi de trouver. C'est cet extrait-là. Entre notre étage et le sous-sol, on entretenait des rapports comparables à ceux de l'aveugle et du paralytique de la fable. Donc, il parle entre l'étage de lui, sa famille, et mm-hmm. le sous-sol où vivent les employés de la maison. D'accord. Une pesante dépendance mutuelle soudait leur amitié douteuse. L'aveugle portait le paralytique. Le paralytique, assis sur les épaules de son compagnon, explorait l'horizon, s'orientait et dirigeait. Cependant, les gens de la catégorie que l'on ne fréquente pas savaient fabriquer eux-mêmes les choses. Il parle effectivement des gens du sous-sol. Peut-être aurait-il pu nous apprendre à les fabriquer également, mais nous étions destinés à devenir des intellectuels purs. Il ne nous restait plus qu'à coller des modèles sans âme, des choses que nous découpions dans les suppléments des revues. Bateaux de carton, usines en papier, avec seule consolation la conscience que sur la terre de la Grande Molaire, donc c'est la terre De la Schrambranie, tous les habitants, du plus grand au plus petit, connaissaient non seulement tous les livres par cœur, mais étaient encore capables de les relier eux-mêmes. Notre Schrambranie était telle autre chose que le modèle réduit d'un monde merveilleux. Et en fait, ce bouquin, c'est un peu ça. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'au travers, c'est rigolo parce que c'est un livre qui est vendu comme un livre pour enfants. Oui. Alors, soit les enfants russes sont... très bien. Après, les enfants russes sont peut-être très au fait de l'histoire de la Russie. C'est pas forcément l'histoire, c'est quand même... L'extrait que tu viens de me lire, il y a un moment donné où il a fallu que je me concentre pour suivre quand même. Voilà, non, bon, mais c'est après, ça. Je suis pas forcément très, on va dire, très bon exemple en ce moment, parce que j'ai pas mon cerveau qui marche tout à fait dans le bon ordre. Oh, il a jamais vraiment marché, tu sais. Non, mais c'est une lecture la complexité, c'est que moi, généralement, quand je lis quelques pages le soir où je me mets et je lis pendant 2-3 heures. Ouais. Là, tu ne peux pas faire ça, en fait, parce que tu ne peux pas lire ça avant de t'endormir, parce que tu vas devoir revenir sur certains passages. Et lire ça pendant 3-4 heures de suite, c'est compliqué. C'est un peu comme, il me semble qu'on en a parlé, on va dire en privé entre nous avant l'émission, un peu comme ma lecture de Sur les falaises de marbre, oui. Qui faisait que passer deux chapitres, il fallait absolument que je fasse une pause parce qu'il fallait digérer la chose et tu peux pas lire ça d'une traite, quoi. Là, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses, même si ça se lit bien, c'est bien écrit, c'est drôle, il y a des jeux de mots, c'est amusant comme effectivement de découvrir l'univers d'un enfant. Parce que dans les faits, les deux mondes se mêlent. Mmh. La Schrambranie, elle n'est pas géographiquement localisée. La Schrambranie, c'est à un moment donné, il y a une guerre. Oui. Ils se disent bon bah faut qu'il y ait une guerre quand même dans notre pays imaginaire. Ça fait crédible aussi. Donc ils font une guerre et du coup bah ils font une guerre comme quand on fait la guerre, c'est-à-dire que ils imaginent qu'ils font la guerre, mais physiquement quand t'es un gamin et que tu fais la guerre avec ton frère, bah il y en a un qui est dans la chambre et l'autre qui est dans sa chambre et ils font la guerre de chambre à chambre. D'accord. Et donc du coup c'est un passage que j'ai. Est-ce que c'est celui-là ? Non, c'est pas celui-là. Il est écrit que je ne trouverai plus aucun passage. Dans la maison où on se bat, le frère s'est levé contre le frère. La disposition des forces ennemies est la suivante. La Schrambrani se trouve dans le cabinet de papa, la Pingrini dans la salle à manger, le salon et le champ de bataille. Dans le corridor sombre se trouve le camp des prisonniers. Bon, bah, mine de rien, voilà, tu te dis... Oui, la géographie, c'est la maison, en fait. Et du coup, ça va sortir peu à peu de la maison. C'est-à-dire aussi, c'est ça aussi la question de l'âge, c'est que peu à peu, ils grandissent, ils vieillissent. Alors, est-ce qu'ils grandissent et ils vieillissent ? Ou est-ce qu'ils sont plus éveillés ? C'est un peu le discours de fond aussi. C'est-à-dire que ce sont des petits bourgeois qui vont être éveillés par les idées révolutionnaires. Ouais. Ce sont des petits bourgeois qui, du coup, quand ils s'amusent, parce qu'ils n'ont que ça à faire, ils n'ont qu'à s'amuser, bah imagine un pays avec un roi, une reine, avec des héros, etc. Et quand ils vieillissent et qu'ils sont éveillés à la révolution, ils n'ont plus besoin d'imaginer ce pays, puisqu'ils ont besoin de le construire, ce pays. Oui. Donc c'est un peu l'histoire de ce roman, et c'est la partie passionnante de ce livre. Même si c'est un peu effectivement compliqué et ça met du temps à infuser. Mais c'est effectivement tout le bouquin est bâti sur le fait que... en fait, j'ai été un peu perturbé par ce livre parce que je ne savais pas sur quel pied danser avec l'auteur. Est-ce que j'ai affaire à un auteur soviétique qui me fait de la propagande ? Oui. Ou est-ce que C'est un peu. Alors, on en parlait un peu avant l'enregistrement de l'émission en dînant ce soir. On s'imagine, c'est un roman pour la jeunesse qui a été écrit en 1931, même un petit peu avant. On s'imagine forcément que c'est un roman de propagande. Oui. Et on ne s'est jamais posé la question de à quoi ressemblait un roman de littérature jeunesse russe, en fait. Et on a cette idée préconçue que forcément, étant donné l'histoire de la Russie et de l'URSS, c'est forcément un roman de propagande pour endoctriner les petits Russes à devenir de bons petits communistes. Tu tombes toujours à un moment donné où tu as le doute, tu te dis mais finalement, non, mais peut-être qu'il n'est pas en fait en train de me faire la propagande, parce qu'effectivement, dans ma tête, c'est quelqu'un, si c'est un auteur soviétique qui en plus a reçu le prix Staline pour une autre œuvre. Oui, tu te dis que c'est quelqu'un qui était bien vu par le régime soviétique. Bah, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... donc son frère a été interné, puis exécuté. Sa belle-sœur, la femme de son frère, a été elle-même internée parce que membre de la famille d'une personne qui a été internée. D'accord, elle n'a rien fait, mais elle est internée parce qu'elle est la femme de voilà. son frère. Tu te dis, théoriquement, oui. le frère... Il ne va pas être bien vu. Il aurait dû, il ne devrait pas être bien vu. Et finalement, le frère, tout ce qui lui arrive, c'est que bah, son bouquin n'est pas publié pendant 20 ans. Et quand il le republie, il a retiré quelques passages. Ouais, c'est pas une Donc, grosse sanction. Donc tu te demandes s'il n'y a pas de la complaisance envers le régime, etc. Mais en même temps, il y a des passages où tu te dis, mais au final, est-ce qu'on ne se fait pas avoir ? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas un livre qui a les apparats d'un livre un peu de propagande et qui va servir à endoctriner la jeunesse, mais où en même temps, il y a quand même des passages où, bah, au début, dans le petit monde bourgeois, tout se passe bien, on a du confort, on a des employés, plus ça avance, on a des poux, on est malade, on chope le typhus, on est obligé de déménager, l'école est obligée de déménager, puis l'école, en fait, est transformée, ça devient l'école, ils appellent ça comment ? L'école prolétaire, entre guillemets, l'école du travail. On déménage dans des maisons de plus en plus petites, on n'a plus de quoi chauffer, on est obligé de vivre du sucre et de troquer du sucre. D'accord. Donc tu dis, mine de rien, oui. il nous parle du régime. C'est pas une image très valorisante. Et dans les faits, en fait, il est entre les deux. C'est-à-dire que comme dans toute révolution, comme la Révolution française, qui se base sur des idéaux et qui, à un moment donné, ces idéaux sont... perverti, mais enfin, je le rappelle toujours, mais Napoléon, quand il accède au pouvoir, il se revendique comme le protecteur des idéaux de la Révolution. toutes les révolutions sont suivies de contre-révolutions ou sont un peu détournées. Et ça n'a pas fait défaut dans la révolution russe. Les idéaux de la révolution de 17, portés notamment par Lénine et Trotsky, on sait ce qui est arrivé de Lénine et Trotsky. Donc, y a ça aussi. Et avec son vécu, on se dit que c'est peut-être quelque chose finalement de peut-être plus... C'est un livre qui est peut-être plus entre les deux, qui cherche juste à pas montrer les choses, qui est un livre idéaliste et qui, avec un peu de surréalisme dans la manière de raconter l'histoire, te montre quand même la réalité du régime qui se met en place, qui est un régime quand même très un peu carré, tu vois, par exemple, il y a des passages où quand on parle de collectivisation, il va mettre en avant le fait que c'est de travailler ensemble, parce que l'idéal c'est ça. Même si derrière, oui, ça va poser de problématiques, les régimes vont abuser, entre guillemets, de ça. Mais fondamentalement, c'est ça. Et il y a deux passages, puis je m'arrêterai là-dessus, il y a deux passages qui montrent bien ça, que j'avais coché et qui ont été la clé un peu pour comprendre le bouquin juste avant l'émission, quand j'ai retenu des extraits. Il y a un moment donné, en fait, le commissaire... le commissaire politique, entre guillemets, du secteur où ils vivent, tombe sur les documents, les archives de la Chambrani, en fait. Et donc, du coup, ils vont à la Tcheka, ils vont à l'Assemblée locale, et puis ils doivent répondre, en fait, au commissaire, leur expliquer pourquoi. Mm-hmm. Mais quel était votre but en inventant tout ça, demanda le chef. La question était sérieuse. Je pris ma respiration. Nous rêvons, dis-je, que tout soit beau. Chez nous, en Chambrani, tout est batte. Pas comme ici. Les pavés sont bons, tout le monde a de bons muscles, les gosses ne dépendent pas de parents, et puis on a du sucre tant qu'on en veut. Les enterrements sont rares, on a le cinéma tous les jours, le temps est beau, toujours du soleil et de l'air frais. Tous les pauvres sont riches, et tous sont contents, il n'y a pas de fous. C'est typiquement ça. C'est tellement imaginaire enfantin, ça. C'est, en fait, ce bouquin, c'est un adulte qui nous invite à rester des enfants. Et en même temps, il nous raconte l'histoire de ces enfants qui vont renier un peu le monde imaginaire qu'ils ont créé, parce que à un moment donné, il faut passer à la réalité, qui vont devenir des adultes. C'est ce qui fait que j'ai eu un petit problème avec l'âge, parce que je pense qu'ils deviennent des adultes trop tôt. Après, en 1932, donc après avoir publié toutes les chroniques, le dernier chapitre, il se finit, il y a cette phrase. Le souvenir de la Chambrani est chose utile. Bien des gens parmi nous vivent encore d'une double vie, mettent encore sur leur oreiller la vraie cuillère avec laquelle ils espèrent manger la confiture des songes. Ce sont des Chambraniens qui s'ignorent. C'est joli, ça. Et donc, en fait, c'est un bouquin... J'ai passé mon temps à dire, mais à qui il s'adresse ? C'est un bouquin un peu politique, etc. Mais en fait, il s'adresse au petit garçon que j'étais, qui imaginait des histoires et qui me dit, garde ça en tête, garde ses souvenirs, mais fais-en quelque chose, entre guillemets. Mm-hmm. Et donc, voilà, pour le coup, c'est un livre qui a un sens qui est sur ça, qui est une invitation... entre guillemets, au voyage, c'est se rappeler ce qu'on a été, les idéaux qui ont été les nôtres quand on était gamin, mais en même temps, de les défendre et de faire nos propres révolutions. Alors, je vais te poser une question, parce que, du coup, moi, quand tu l'as acheté, là, j'avoue que la couverture et le résumé me donnaient envie de le lire. Avoir des difficultés à le lire m'a fait que je me suis interrogée. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une bonne connaissance, on va dire, de l'histoire soviétique, de la révolution russe? Est-ce qu'il est abordable pour quelqu'un qui n'a pas est-ce qu'il y a des références qu'on a besoin d'avoir? Alors, sous cet angle, d'abord, il y a des notes de bas de page qui nous permettent de savoir, d'avoir quelques infos, mais il n'y en a pas énormément parce qu'au final, il n'y a pas besoin d'avoir de grands repères. Ouais. Il faut connaître un peu les fondamentaux. Après, je pense malgré tout que, même si je suis historien de formation, je ne cacherai pas que les révolutions 1917 ne sont pas forcément quelque chose que j'ai beaucoup étudié. Ben en fait, moi, il faut que je fasse appel à mes cours de lycée. En ben fait. Moi, c'est un peu le même niveau. Alors, on a eu un prof, je pense que Shinji, s'il écoute ce podcast, aura une pensée émue pour ce prof. On a eu un prof de fac à Rouen qui nous faisait un cours sur le Japon médiéval. C'était le mercredi soir de 19h30 à 20h30, je crois. C'était le seul cours en plus que je pouvais suivre à la fac cette année-là, puisque je bossais en parallèle. Et en fait, qui était surtout un spécialiste de l'histoire russe et qui généralement passait un quart d'heure à nous parler du Japon et 50 minutes à nous commenter l'actualité russo-américaine et à nous faire des cours sur la Russie. D'accord. Mais du coup, je n'ai pas forcément non plus un gros bagage sur les cours de la Russie, sur les cours de l'Union sur soviétique, la naissance de l'Union soviétique, etc. J'ai clairement pas les bagages pour... le bagage idéologique aussi. Après, il y a le fondamental de la lutte des classes et fondamentalement, c'est ça la Révolution 17. Une fois que tu sais ça, bon, ça peut même te permettre de le comprendre puisque effectivement, c'est quand même vu du point de vue d'un enfant. C'est pas sur ça que tu vas manquer de repères. Ouais. Tu vas manquer de repères parce que même s'ils font un effort pour te l'expliquer, parce que je pense que tu as des références culturelles qu'on n'a pas. Tu as des. Il y a une manière de parler. Les tournures de phrases sont pas toujours simples. Ouais. Alors est-ce que c'est pas la traduction de 55 aussi qui joue? Voilà, c'est un livre qui est accessible, mais qui demande qu'on prenne le temps de le lire. Je le disais tout à l'heure, ça a été ma difficulté, moi, c'est de prendre le temps de le lire et surtout de l'aborder tel un enfant, en fait. Moi, je l'ai abordé, j'étais un peu désappointé parce que je m'attendais, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, à avoir vraiment un peu la comparaison entre, d'un côté, le récit réaliste de la Révolution, ouais, et en même temps, la découverte de comment ils le transposaient dans leur univers. Et dans les faits, je me retrouve avec quelque chose qui est dans l'entre-deux, puisqu'il y a même des passages où il nous raconte des anecdotes qui se passent dans la vraie vie et où tu te dis c'est pas possible. Là, on est en Chambrani. On n'est pas... À ce point-là ? Les frontières entre le monde réel et la Chambrani n'existent quasiment pas. D'accord. Et quand il te raconte des choses réelles, tu te dis c'est limite de la caricature. Il y a un côté surréaliste dans le bouquin qui est très perturbant. Voilà, faut juste le savoir. Je pense que c'est un bouquin qu'il faut prendre. Faut peut-être le commencer, se dire j'y reviendrai après. Voilà, c'est un bouquin qu'il faut donner sa chance parce que vraiment, je trouve que le parti pris. Moi, ce que j'ai aimé, j'aime bien les bouquins quand ils me surprennent. Je m'attendais à avoir un comparatif entre deux univers. Et donc, du coup, en filigrane, une analyse critique d'un univers par rapport à l'autre. J'ai l'analyse critique, mais en fait, j'ai aucune frontière entre l'imaginaire et le réel. Et c'est là où est le vrai voyage imaginaire. C'est-à-dire que tu passes ton temps à essayer de cerner la vérité du faux, d'essayer de comprendre quel est le message, quelles sont les intentions. Ouais. Et c'est du coup un livre qui est très ludique. Bah, c'est peut-être en fait en ça que c'est un livre pour la jeunesse et pas un roman pour les adultes. Enfin, c'est peut-être pour ça que c'est classé dans les romans jeunesse. Peut-être. C'est pas impossible. C'est après, pas une analyse. C'est pas une analyse pour les adultes. Ça dépend ce qu'ils entendent par jeunesse. Je... Bah, les livres jeunesse, ça va de l'album illustré que tu montres à ton enfant ou avec ça, les objets du quotidien. Alors que livre jeunesse, ça peut être aussi pour des 15-16 que... ans. Voilà, jeunesse, c'est ou moins l'âge des héros. C'est une très grande largeur au niveau des âges. Et tu lis pas la même chose quand tu lis avec un enfant à 3-4 ans avec des images. C'est essentiellement des images et un petit peu de texte. Même s'il y a des images dedans. Oui, tu peux il y a coller. Des autocollants comme les autocollants Panini. Ouais, ce que je n'ai pas compris au début, c'est-à-dire que j'avais un petit sachet avec des images dedans. Je me suis dit, c'est bizarre. Et en fait, vous avez des pages où vous pouvez coller, comme dans les albums Panini, effectivement, vous pouvez coller des images. Et je tiens à signaler aux éditions Attila que je n'ai pas l'image numéro 4. Ce qui m'emmerde un petit peu, puisque du coup, ça ne fait pas fini dans mon livre. Et du coup, tu n'as pas collé les autres. Du coup, je n'ai pas collé les autres. Je me suis dit, ah mince, je ne peux pas jouer. Mais c'est des images qui apportent quelque chose ? C'est une illustration de la Chouambrani ? Je pense qu'elles apportent des choses. Est-ce qu'il y a beaucoup d'illustrations ? Parce qu'on voit que l'illustrateur a été mis à l'honneur en même niveau que l'auteur. Non, dans le texte, il n'y a pas beaucoup d'illustrations. C'est surtout la couverture. C'est juste et après, la couverture. Y a effectivement, c'est plus que d'illustrations, il y a des aspects graphiques. la manière de présenter du texte ou ce genre de choses qui peut jouer. Tout en haut de chaque page, on a le titre, parce que c'est des tout petits chapitres, hein, généralement, oui, c'est des chapitres d'une ou deux pages. Tu as à gauche... Non, ça c'est non, la droite. À droite. C'est ma gauche, moi. Tu as à droite le titre du chapitre de la page en français, mais tu as son équivalent en cyrillique. D'accord. Alors, je suppose que c'est en vrai, enfin du vrai cyrillique. Oui, en même temps, mais, on ne sachant pas écrire en cyrillique. Voilà, là, tu as un pou, à un moment donné, ils ont dessiné un pou. Voilà. Avec un grand questionnement sur le nombre de pattes qu'ont les pous. Voilà, ils ont six pattes. Ils savent pas trop, donc du coup, ils font des poux à 10 pattes, des poux à 100 pattes, des poux à 1000 pattes, même des poux multipattes. Voilà. Il n'y a pas de poux croustipattes, par contre. Et qu'est-ce que je voulais rajouter ? Par contre, oui, le côté graphique, le côté graphique et illustration se fait par le biais de ces images qu'on colle. D'accord. Mais qui, du coup, qui ont été faites, du coup, par l'illustrateur, je pense. Je le comprends, mais du coup, c'est la clé, en fait. C'est... Putain, ils sont forts, les éditeurs. Mais d'où l'importance d'une maison d'édition qui a quand même lu le bouquin, et parce qu'elle ne le lise pas toutes, qui a lu le bouquin et qu'elle sait pourquoi. Parce que je n'avais pas compris, mais c'est complètement con, ces gadgets, en fait, de nous demander de coller des images. Ouais. Mais non, parce qu'en fait, en nous demandant de coller des images, ils demandent au lecteur de redevenir l'enfant. Et j'avoue que j'ai passé du plaisir, j'en ai collé que trois, mais à faire comme je faisais dans mes albums Panini, parce que j'en ai eu, à bien recoller en essayant que ce soit bien dans les angles, à bien tout faire, à galérer pendant 200 ans à décoller la partie de derrière l'autocollant, parce que c'est très chiant, il n'y a rien qui est prévu. Et en fait, du coup, c'est une invitation. C'est ludique. C'est une invitation à redevenir un enfant, c'est avec ça. Le livre. Et ça, je n'ai pas compris, et ça me donne... J'ai compris. Du coup, il faut que tu finisses de coller les autocollants. Donc voilà, il faut que je finisse, je ferai directement après cette émission. Et alors, pour finir, tu veux bien nous lire la première et la dernière phrase ? Je te laisse faire, parce qu'en fait, j'ai galéré à trouver la dernière phrase tout à l'heure quand je l'ai cherchée, et, parce que je n'arrivais pas à savoir où commençait. En fait, je n'arrivais pas à déterminer où commençait, parce que le début, ça pourrait être ce que j'ai lu tout à l'heure. Oui, c'est ça. Le début, ça pourrait être ce que tu as lu tout à l'heure. Après, je te citerai, en fait... Du coup, je préfère te laisser chercher pour te laisser galérer à ma place. En fait, le livre, il est en... Comme tu l'as lu. Il est, entre guillemets, en quatre parties. Donc, je vais donner le titre, la première phrase de la première partie. Et puis, je ne vais pas te donner la phrase du dernier chapitre, parce que c'est un chapitre a posteriori, mais la phrase de l'avant-dernier chapitre. D'accord. La première phrase... Le soir du 11 octobre 1492, au bout de son 68e jour de voyage, Christophe Colomb aperçut au loin une lumière qui se déplaçait. Je ne vous lis pas la suite, il faudra l'acheter. Non, moi je le prendrai sur ta table de nuit. Et la dernière phrase, et tous crièrent en chœur, un point c'est tout. Il faut avoir la ref. J'ai la ref parce que j'ai lu le livre. Vous voulez avoir la ref, il faudra lire le livre. Bon, en tout cas, sache que tu l'as bien vendu. Mais j'espère, parce qu'au final, je me dis que c'est peut-être un livre que j'irai relire. Je sais pas. Peut-être en me documentant un peu plus avant. Mais en tout cas, pas déçu, parce que... Mais ça, tu regrettes pas de l'avoir lu. Bah, sur la Révolution, j'ai pas eu... Et c'est, en fait, quand on a choisi ce thème, le risque, c'est d'avoir un livre qui te parle de la Révolution et voilà, qui soit descriptif. Là, c'est plus un livre qui te fait réfléchir. C'est plus un contexte, en fait. C'est ça. Là, ça te fait réfléchir sur la Révolution. Bah, la Révolution, c'est l'idéalisme. C'est ni plus ni moins que ce qu'on imaginait quand on au était départ, gamin, oui. Et qu'on refaisait le monde. Sauf que c'est un truc d'adulte, la Révolution. C'est un truc qu'on fait en vrai. D'ailleurs, on fait ça demain. Du coup, Bibiche, oui. Maintenant qu'on a lu, enfin qu'on a parlé de mon livre de façon très longue, puisque ça fait déjà au moins trois quarts d'heure qu'on est dans cette émission. Oui, mais tu disais que tu n'aurais pas trop grand-chose à lire, et finalement... Dire que j'avais prévu de faire deux livres dans ce mois de juillet. Tu en as lu, hein, c'est bien. Je tiens dans mes mains un livre plus petit, rouge. Oui, rouge-orangé. Rouge-orangé. Donc, on est toujours sur une thématique communisme. Hein. Révolution, en tout cas, rouge. C'est un petit livre rouge. Oui. Tu as lu le petit livre rouge de Mao. Dis donc, je ne m'étais pas rendu compte. Non, alors, c'est un livre qui s'appelle « Que 100 fleurs s'épanouissent » de Feng Jisei. Jisai. JK. JK. Il n'y a pas de CDI. Je ne sais pas, je ne parle pas le chinois. Moi non plus. Je ne l'ai pas essayé dans ma tête de savoir, j'aurais dit JK, mais sans JKI. C'est un livre qui est publié dans la collection Scripto de Gallimard. Et donc, alors on en a parlé un petit peu avant l'émission. Oui. Où on se présentait déjà un peu les livres pour se donner un peu de matière. C'est un livre sur lequel j'ai trouvé très peu de choses sur Internet. Si ce n'est, j'ai été étonné, c'est que c'est souvent un livre qui a été lu par des jeunes. Bah, il fait partie de la collection. Quand tu regardes sur la quatrième de couverture, c'est l'adresse, c'est Gallimard Jeunesse. C'est ça, c'est un livre jeunesse. C'est d'ailleurs un livre qui a reçu un prix jeunesse. Le prix sorcière du roman et le prix lecture jeunesse en 1991. Ce que je n'avais pas vu quand j'ai choisi le livre. J'avoue que je l'ai choisi parce que au départ, quand on a parlé de révolution, je voulais vraiment pas la révolution française. Et je savais pas trop quel genre de révolution. J'ai tapé révolution et dans ma liste, il y avait la révolution culturelle. Et je me suis dit, oh oui, tiens, pourquoi pas un livre qui se passe en Chine. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément sur la couverture qu'on va choisir ce livre, parce que c'est une couverture qui joue beaucoup sur... Enfin, on sait qu'on va parler de Chine. Voilà, on va parler de Chine parce que il y a une fleur qui est d'ailleurs le fond rouge est mat, mais la fleur, elle, est brillante. Non, je n'ai même pas fait attention à ça. Le titre aussi est brillant. Oui, ah oui, c'est vrai. Exactement comme le livre que tu avais lu sur la guerre. Ouais, bah décidément. Hey. Ouais, c'est vrai, c'est en surimpression brillante. C'est ça. Et c'est un petit livre, effectivement. Il fait 125 pages, je crois. C'est effectivement un petit livre. Et du coup, à la couverture, on ne sait pas trop de quoi ça va parler. Ouais. Maintenant, si on a un peu de culture, on sait d'où vient le titre. Oui, alors ça, je m'en suis rendu compte après. Moi, je le sais parce que j'ai été faire des recherches Wikipédia. Tu peux l'expliquer dans ce cas parce que j'ai pas retenu. Je l'ai lu, mais je l'ai pas retenu. Alors, le titre, c'est Que 100 fleurs s'épanouissent, et c'est suite à un discours qui a été fait par Mao Tse-tung dans les années 50. Puisque donc, la République populaire de Chine a été créée en 1949. Comme toute république, voilà, il y a des petits retards à l'allumage, etc. Une fois que le régime a été installé, lui, il a été élu. C'est un régime qui s'appuie à la fois sur l'État, donc la bureaucratie d'État et le parti. C'est vraiment... Souvent, on a tendance à imaginer que c'est dans ces régimes-là, c'est le parti qui gouverne. Mais non, en fait, c'est le parti et à côté, il y a l'institution d'État. Et c'est un moment où lui est un petit peu en délicatesse. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer la fameuse révolution culturelle. C'est-à-dire qu'il va inviter, en fait... Les intellectuels, les artistes... Pour montrer qu'on n'est pas dans un régime totalitaire, il va inviter tous les effectivement intellectuels artistes à dire ce qu'ils pensent, à venir nourrir la réflexion, etc. Voilà, ce qui fait que les gens se sont exprimés et qu'après, ils s'en sont mordus les doigts. Voilà, puisque effectivement, une fois que ça a été fait, il avait la liste des gens qu'il fallait éliminer et qui allaient... Ou rééduquer. Et c'est effectivement toute cette partie de rééducation qui a été engagée après. Et dans ce discours, quand il appelait les gens, il a prononcé la phrase que « sans fleurs s'épanouissent ». Donc c'était vraiment l'image de dire, venez nourrir la réflexion, venez faire pousser, venez faire s'épanouir les fleurs. Comme quoi, il faut toujours se méfier des gens qui font des belles phrases, parce que des fois, peut-être qu'ils vont te trancher la nuque ou te rééduquer, ce qui peut impliquer un tranchage de nuque. Bah, là, ici, c'est vraiment de la rééducation. Donc toi, tu l'avais repéré de mémoire sur Internet, tu avais fait une recherche Internet. Ouais. Je vais quand même, parce que je sais que je choisis souvent les livres sur la couverture. Toi, c'est la couverture, mais c'est aussi première et dernière phrase. Donc là, on va commencer. Quand je l'ai choisi sur Internet, c'est aussi vraiment sur la couverture et le résumé qu'il peut y avoir à côté. Parce que... Alors du coup, qu'est-ce que tu as renvoyé la couverture ? Moi, à part m'évoquer la Chine, elle ne me renvoie rien d'autre. Bah, ça m'a suffi, en fait. D'accord, okay. Ça m'a suffi au fait que... Tu dis que c'est pas en France, ça va. C'est pas en France et ma connaissance, on va dire, de la Chine se base sur un roman, une série de romans que j'ai lus. C'est Le Palanquin des larmes, je ne sais pas si tu connais, et les suites. Tu en as déjà parlé. de Cho Ching Lee, si je ne dis pas de bêtises, mon Dieu, je vais écorcher son nom, c'est horrible, et que j'ai lu à l'adolescence, le premier, et que, dont j'ai lu la suite à l'âge adulte, beaucoup, beaucoup plus tard, parce que je ne savais pas à l'époque qu'elle avait écrit des suites. Et c'était ma connaissance que j'avais de la Chine et de la Révolution, parce que ça fait partie des choses qu'elle a vécues en Chine. Et j'étais curieuse de découvrir autre chose sur la Chine, d'avoir une autre vision. Et effectivement, quand je les commande sur Internet, quand je les choisis plutôt sur Internet, je n'ai pas cette possibilité de faire ce que je fais quand je suis en magasin, de lire la première et dernière phrase. Ce qui est justement du coup la première chose que je fais quand je vais dans le magasin, que Julien me donne les bouquins que nous avons commandés. Je m'empresse de lire la première et la dernière phrase pour m'assurer que ça marche. Donc je vais donc lire la phrase du chapitre 1, pas la préface. Le train s'était déjà arrêté 3 fois et dans mon compartiment, la couchette d'en face était toujours vide. Et la dernière phrase... Il faisait maintenant grand jour et je voyais par la fenêtre les flots glacés du fleuve miroiter sous la lumière matinale. Mmh. Ça se passe donc pendant un voyage en train. Oui. En fait, c'est l'auteur. Le narrateur est visiblement l'auteur. Je n'ai pas pu déterminer s'il s'agissait d'une histoire vraie qui lui était réellement arrivée ou s'il avait imaginé, mais ça donne l'impression que le narrateur est l'auteur. Donc, on va partir du principe que l'auteur est dans un train pour un voyage de nuit en fait, il est tout seul dans sa couchette. Hein, c'est des couchettes à deux lits. Et il est tout seul et il est en train de se réjouir du fait d'être tout seul parce qu'il aime la solitude et il s'interroge si le fait d'être libre quand on est seul, c'est vraiment de la liberté. Et moment-là... Ça commence fort. Voilà. Et à ce moment-là, le train s'arrête dans un faubourg populaire et il y a une personne qui rentre dans son compartiment couchette. C'est une personne... un peu bizarre, qui n'est pas très propre, qui a un carton à dessin sous le bras, une valise en carton et un carton en papier dans lequel il semble y avoir quelque chose de vivant. Donc il fait semblant de dormir sur sa couchette, et il l'observe et il s'interroge sur... puis il est un peu embêté parce qu'il avait prévu de faire le voyage tout seul et ça l'arrangeait. Et du coup, il est un peu contrarié. Oui, quelqu'un... Il avait entamé une petite réflexion sur la solitude. C'est ça. Donc, il est un peu contrarié de voir quelqu'un arriver. Et il échange 2-3 mots avec lui. Et à ce moment-là, la personne qui est entrée dans le wagon le reconnaît. « Ah, mais vous êtes l'écrivain !» Ce qui m'incite à penser que c'est effectivement l'auteur et le narrateur sont la même personne. « Ah, mais vous êtes l'écrivain !» Et qui, du coup, donne envie à la personne de lui raconter sa vie. Et en fait... C'est vrai que moi je vois un écrivain. J'ai envie de lui raconter ma vie. Donc du coup, le premier chapitre, c'est juste, il est dans son compartiment couchette. Et du chapitre 2 à la fin du chapitre 9, c'est l'histoire que lui raconte cette personne qu'il vient de rencontrer dans le wagon couchette. Et ça se passe pendant juste la nuit, et la nuit de le trajet. Et en fait, cet homme qu'il rencontre, qui est un inconnu pour lui, lui raconte sa vie. Ce qui lui est arrivé et les malheurs qui lui sont arrivés parce qu'ils sont très grands. Donc sa vie qui a un lien avec... La révolution culturelle. Ça se passe dans les... Alors attends, parce que j'ai plein de notes. Parce que... Alors il faut retenir qu'effectivement, sur les précédents livres, tu n'as pas pris beaucoup de notes et tu lui dis « Ah, j'ai pas pris beaucoup de notes ». Du coup, là, tu as pris beaucoup de notes. Alors il faut savoir, alors c'est un détail, mais je suis actuellement sous morphine depuis un certain temps. Et au mois de juillet, mon dosage a été multiplié par 2, ce qui fait que j'ai un peu de mal avec mon cerveau et la mémoire et tout et tout. Donc j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes. Et pour tout dire... Il y a plus de notes que de romans, en fait. Le roman fait 120 pages, 125 pages, et j'ai sans doute passé plus de temps à prendre des notes qu'à lire le roman en lui-même, parce que c'est plus rapide de lire. Je passe au chapitre 2. Donc, en fait, ça se passe dans les années 60. Donc, on est vraiment... ce que tu disais tout à l'heure, après que Mao ait fait cet appel pour laisser tous les intellectuels, les artistes, s'exprimer librement... pour ensuite pouvoir avoir la liste de tous ceux qu'il allait sanctionner. Donc, c'est le héros qui raconte son histoire. Faites attention à ce que vous mettez sur Facebook, du coup. Hein. Facebook, Twitter, TikTok. C'est un peu la même chose. Donc, le héros fait des c'est un jeune homme qui fait des études à l'Institut... Je vais y arriver. L'Institut... l'Institut d'art de Pékin et il vient d'obtenir son diplôme. Et donc il s'attend, il a fait des études brillantes, il est spécialisé sur la peinture à l'huile et il s'attend, comme il a fait des études brillantes, à avoir une affectation à la suite de son diplôme qui soit à la hauteur de ses études. Et donc le jour où il va chercher son affectation, il apprend qu'il est affecté dans un endroit paumé, dans une fabrique de porcelaine. Et en fait, ça ressemble beaucoup à une sanction. Et il se demande comment ça se fait, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai rien fait pourtant. Il s'interroge sur le fait peut-être que c'est le directeur de l'institut qui se venge parce qu'ils n'ont pas la même vision de l'art. Et alors, j'ai une petite citation avec ça. Il dit que lui pensait que l'art relevait du domaine du savoir et moi de l'inné. Et donc il s'imagine que le directeur a voulu se venger en l'envoyant dans ce poste-là, parce qu'il a aucun, enfin, il voit vraiment pas quelle raison aurait pu faire qu'il soit envoyé dans cet endroit-là. Mais bon, il est optimiste, il y va, et puis ma foi, il est assez séduit par l'endroit où il arrive, par la fabrique, par les créations qui sont faites, les porcelaines. C'est une fabrique de porcelaine, les objets ils sont peints dessus. Donc il y a à la fois la peinture, la cuisson, et à la cuisson les peintures sont révélées. Et donc pour lui ça l'intéresse énormément. Il est intéressé par les gens, il est intéressé par le travail, par ce qu'il peut apprendre. Donc pour lui c'est bon, malgré tout il en voit le côté positif. Sauf que les gens qui l'accueillent, ils sentent bien qu'ils l'aiment pas beaucoup et il sait pas pourquoi. Et en fait il apprend au bout d'un certain temps que les gens pensent que lui a été renvoyé dans cette fabrique de porcelaine pour être rééduqué. Et il n'a aucune idée de la raison pour laquelle il a été envoyé là. Et donc, il va raconter à l'écrivain tout ce qui lui est arrivé à la suite de son envoi dans cette fabrique. Et il va être... Parce que je suppose que ça ne se limite pas juste à faire de la céramique. Non. En fait, il raconte sa vie et ce qui va lui arriver... Il va tomber amoureux d'une jeune femme, ils vont tomber amoureux tous les deux, c'est un véritable coup de foudre, ils vont décider de se marier, et en fait, pour lui, il n'a rien à se reprocher. Et en fait, les autres pensent qu'il est là pour être rééduqué, et il se base, parce qu'en fait, il a été dénoncé par quelqu'un. Oui. Et donc, ils n'ont pas la même vision que lui sur ce qu'il fait et sur ce qu'il doit faire. Et il y a à cette époque-là, il y a des genres d'affiches, ça s'appelle des dazibao, sur lesquels les méfaits des gens sont écrits et qui sont affichés dans des endroits publics. Et lui, dans son cas, ces affiches, ces dazibao, sont affichées dans la cour de la fabrique et ça révèle ce qu'il a dit. Soi-disant dit, et ce qui fait qu'il est considéré comme un contre-révolutionnaire et qu'il doit être rééduqué parce que il s'est laissé séduire par le fait qu'il fallait s'exprimer et du coup il se fait rééduquer. Sauf que lui, il a aucun souvenir d'avoir prononcé jamais ces paroles-là. Il dit c'est peut-être des choses que j'ai pu penser, mais je les ai jamais dites à haute voix. Oui, donc en fait, du coup, mettez ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Si on veut vous faire dire un truc, on le fera toujours. En fait, le problème, c'est qu'il a été, on l'apprend à la fin, il a été dénoncé par quelqu'un qui avait juste, un jour, il a fait une réflexion qui était partielle. Enfin, il a juste dû dire un truc. Et la personne ne l'a pas bien compris, du coup elle s'est posé des questions et elle l'a interprété en se disant si ça se trouve il est révolutionnaire. Elle a imaginé tout un tas de trucs et elle l'a dénoncé sur cette base-là. Et il y a eu un rapport qui a été fait et on lui a demandé de confirmer ses propos. Et c'est sur cette base-là qu'il a été envoyé en camp de rééducation. Mais parce qu'en fait c'est ça qui est vicieux dans la révolution culturelle, c'est-à-dire que tu invites les gens en toute confiance librement. À se prononcer librement, etc. Et derrière, tu vas le début de l'histoire, c'est-à-dire que le mec, on l'envoie dans une fabrique de céramique, ils sentent bien que c'est une punition, ou c'est pas pourquoi. Mmh. Quand il arrive sur place, les gens sentent bien que s'il est là, c'est parce qu'il y a un truc derrière. Mmh. Mais non, bah, final, en fait, le directeur de l'usine, enfin, je sais pas si c'est le directeur, ou c'est le directeur, mais c'est aussi le référent, on va dire, communiste, je sais pas si c'est le terme. Oui, c'est le référent du parti. C'est le référent du parti dans la région. Et lui, il sait pourquoi il a été envoyé. Mais il ne lui dit pas. Il y a un moment donné, c'est très drôle d'ailleurs. Quand il y a les passages drôles. Bah, en fait, lui, quand il y a les fameux Dazibao, les affiches qui sont collées dans la cour, il les lit et il voit que ça le concerne lui. Mais en fait, il comprend pas. Parce qu'il n'a jamais dit tout ça. Du coup, il va voir le responsable du mouvement de la révolution culturelle, qui est aussi un des directeurs, qui est un des haut placés dans la fabrique de porcelaine, en lui demandant pourquoi il y a ça qui est affiché. Et l'autre, il lui dit, mais tu viens me demander des comptes au sujet de tes propres affaires. Enfin, tu dois bien savoir pourquoi tu es là. C'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de non-dit, mais il n'y a que des non-dits. C'est que des non-dits en fait. Et c'est le propre, notamment, ça a été le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette espèce de méfiance permanente, on se méfie de tout le monde. Mais c'est ça, et puis c'est des dénonciations anonymes, donc il y a quelqu'un qui l'a dénoncé, il ne sait pas qui, il ne sait pas pourquoi, lui il n'a rien dit, il n'a rien à se reprocher, mais les gens considèrent qu'il a forcément dit ça s'il a été dénoncé. Et donc il lui arrive plein de misère, il se marie par amour, il fait un mariage d'amour qui est merveilleux parce que il a rencontré la femme de sa vie. Et en fait quand les affiches sont collées dans la fabrique, ils s'en prennent à sa femme, et sa femme pense qu'il lui a menti en ne lui disant pas qu'il avait été envoyé ici en rééducation, alors que lui il dit mais non, mais en fait j'ai jamais rien fait. Et pour protéger sa femme, ils sont à ce moment-là dans la cour, on les affuble de chapeaux ridicules, ils sont... Excusez-nous. C'est le rappel d'Alexa qui nous invite à nourrir les chats. Mais ils ont déjà été nourris, les chats. Oui, mais on les a nourris avant. Tu as pensé à désactiver hier soir pendant le SAV de la F1, mais pas ce soir. Bon, bref, je ne sais plus ce que je disais. Oui, ils sont dans la cour et ils les voient... torturé, enfin violenté, pas violenté parce que ça fait viol, mais agressé sa femme qui est institutrice. Elle a été agressée un peu à son école, ils lui ont coupé ses nattes, ils l'ont ramenée, et il veut la protéger. Donc pour la protéger, il est prêt à avouer n'importe quoi juste pour la protéger. Et il pense que leur amour est plus fort, et elle lui a dit qu'elle le suivrait partout, quoi qu'il lui ait fait, parce qu'elle le croit et qu'elle croit qu'il est innocent. Du coup, il se dit, si j'avoue pour la protéger, c'est pas grave, elle me reviendra plus tard. Donc, il avoue pour la protéger et elle s'enfuit. Enfin, les gardes rouges la laissent partir qu'il lui a menti. C'est un roman sur les engrenages, en fait. Enfin, tu pars d'un rien. Oui. Et dans un régime totalitaire, oui. Ce rien peut être utilisé contre toi, et même à la limite, si tu n'as rien fait, et on s'en fout, et tout va se retourner contre Mais toi. C'est et ça. C'est le côté pernicieux de Mao et de ce régime. C'est du coup, effectivement, d'avoir entraîné la méfiance globale, mais dans un cercle vicieux, quoi qu'il arrive, même si tu veux te défendre, même si tu fais du bien, etc., tu t'en sortiras jamais. En fait, jamais. On te reproche des choses que tu ne peux pas te défendre. Parce que comment peux-tu prouver que tu n'as pas dit quelque chose si quelqu'un dit que tu l'as dit ? Et en même temps, c'est une forme de génie, enfin une forme de génie, de génie dans la domination, parce que tu isoles chaque individu. Même là, par exemple, quelqu'un qui te croirait, c'est ta femme, elle t'a dit qu'elle te croirait quoi qu'il arrive, et en fait, quand tu avoues un truc, elle ne te croit plus, parce qu'il y a un contexte qui est écrit autour, donc tout ça t'individualise. parce que c'est mais des en même temps elle a besoin de se protéger aussi, enfin si elle le soutient elle va être elle aussi mise dans le même sac, et parce que c'est des régimes qui savent aussi que leur plus grand ennemi c'est l'union. Ça les divise. Et tant que tu divises, et là, cette division, la plus petite unité qui est de l'individu, cette méfiance entre tous les individus fait que réussir à s'unir pour pouvoir faire valoir des droits et se défendre face au régime est beaucoup plus compliqué. Et donc, cet homme, il est à nouveau envoyé dans... Alors là, il était dans un premier camp de rééducation, dans une fabrique de porcelaine en rééducation, mais visiblement, ça ne suffit pas. Donc, il est envoyé dans un camp de rééducation dans lequel il casse des cailloux et il transporte des cailloux qui après serviront à faire les porcelaines. C'est vraiment de la rééducation par le travail physique et où il va passer 2 ans et avant de pouvoir retourner par la suite à la fabrique parce qu'il aura achevé sa rééducation. Et en fait, donc il raconte tout ça à l'écrivain et ce que j'aime, c'est alors l'écrivain, il en tire une leçon. De ce que lui a dit cette personne qu'il a rencontré par hasard, c'est que visiblement il a rencontré beaucoup de gens comme lui parce que bon, lui son récit ça se passe dans les années 60, là on est un peu plus tard, on est dans les années 70 et l'auteur a visiblement rencontré beaucoup de personnes qui lui ont raconté leur vie et ce qui leur est arrivé dans ces années-là et il en tire une... Il y a un point commun, en fait, à toutes les histoires, c'est la capacité de l'être humain qui a vécu des horreurs à se relever et continuer à vivre. Et en fait, il résume ça, c'est dans la dernière page du livre. Du coup, ce qui est intéressant, du coup, c'est que l'approche de l'auteur du livre, c'est pas une approche à proprement parler sur la révolution. Mais au final, dans cette révolution qui a plus ou moins renvoyé chaque individu à lui-même et les a isolés les uns des autres, c'est pas comment est-ce qu'ils ont refait groupe, mais c'est plutôt comment est-ce que déjà eux-mêmes, ils ont réussi à se reconstruire. À se reconstruire. De leur histoire. En fait, c'est un récit qui pourrait être transposé de mille façons différentes selon la manière dont chacun l'a vécu, selon la manière dont il a été rééduqué, selon ce qu'il a vécu, mais qui est banal par la manière dont il a été vécu. C'est une histoire banale comme des milliers d'autres qui ont été vécues de la même manière, différentes mais semblables à la fois, semblables par la manière dont la personne réussit à sortir et à continuer à vivre et à continuer à avoir cette envie de vivre malgré tout. Et c'est le terme qu'on utilise souvent, qui est un peu galvaudé aujourd'hui, c'est la résilience. Et en fait, c'est une histoire parmi d'autres, mais qui illustre la manière dont un individu, là, pris en exemple, va réussir à surmonter toutes les épreuves qu'il rencontre, mais continuer à vivre quand même et à garder cette foi dans la vie. Du coup, il n'y a pas... Alors, parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est un auteur qui est né dans les années 40. L'auteur du livre est né dans les années 40. Possible, que lui, il n'a pas... C'est ça, en 42. Il n'a pas vécu la révolution. Enfin, il n'a pas été, proprement parlé, victime de la révolution non, culturelle. Non. Par contre, c'est un auteur qui a commencé vraiment à écrire dans les années 70 et qui a commencé à publier à l'époque... où Mao est mort, on a fait visiblement un procès de Mao. Et donc, du coup, là, pour le coup... Ça, c'est la parole, c'est voilà, c'est un peu, à nouveau... C'est un peu libéré, et où, du coup, il y a effectivement ce travail qui peut être fait, d'inventaire, de mémoire qui peut être fait. Et du coup, il y a à la fois ce travail d'inventaire, mais il n'y a pas de... Mais peut-être aussi parce que la révolution, elle est spécifique. Ce n'est pas une révolution... c'est une révolution culturelle entre guillemets, enfin mais du coup il n'y a pas une approche dans le il y a pas une démarche militante, il y a pas une démarche non, vraiment de réflexion sur le régime. On a vraiment l'impression que c'est juste un témoignage. C'est ça, il y a pas de réflexion sur le pouvoir, non. Mais il y a plus une réflexion sur vraiment le côté humain. C'est et comment ça, est-ce qu'on c'est pas une réflexion sur une critique du régime ou une critique de la manière dont de ce qui a été fait. C'est vraiment un témoignage. Sans critique derrière, sans critique positive ou négative d'ailleurs. C'est vraiment le témoignage d'un homme parmi tant d'autres qui peut se retrouver par milliers dans tous les récits qu'on lui a fait, parce que visiblement il a eu beaucoup de personnes qui lui ont raconté leur vie à cette époque-là et qui font que il en a choisi un, mais il pourrait en raconter des milliers d'autres pareils. Ce qui en même temps renvoie le lecteur. En fait, c'est peut-être sans être frontal, parce que rappelons que la Chine reste un pays aujourd'hui où il y a de forts contrôles qui sont impliqués sur les esprits, sur les vies de manière générale. Donc ils peuvent pas non plus, ils sont libres, mais ils ont peut-être aussi, les gars, retenu un peu les leçons de la révolution culturelle. Du coup, ils en abusent pas. Ils sont peut-être aussi plus subtils. Peut-être que l'angle, finalement, de ne pas aborder frontalement la révolution et donner une critique. C'est, moi, je ne critique pas, je témoigne. Je donne effectivement les témoignages, mais par la multiplication des témoignages, par le fait que chacun va se reconnaître là-dedans, dans cette vie, entre guillemets, banale, mais qui a basculé à un moment donné, va se reconnaître, va peut-être prendre conscience du coup que, va s'interroger sur l'origine de ce problème-là. Donc, en fait, sans forcément critiquer le régime. Ça peut amener à se poser des questions sur ce qui s'est passé pendant ces années-là, oui. Alors, si je retire le fond, l'histoire que tu nous as racontée, dans le style, qu'est-ce que toi t'as attiré ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? Est-ce qu'il y a des choses dans le style ? C'est vraiment... c'est très, très abordable. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances spécifiques sur la révolution culturelle pour le comprendre, pour l'apprivoiser. C'est très bien écrit. C'est très fluide. C'est très facile à lire. J'ai fait 2-3 recherches, par exemple les fameux Dazibao, dont je ne savais pas ce que c'était, même si j'aurais pu le deviner dans le texte, je suis allée chercher. Mais c'est très facile à lire, et je comprends que ça soit classé dans les catégories jeunesse, parce que c'est effectivement un témoignage de la révolution culturelle qui permet d'ouvrir la réflexion, oui, puis de faire connaître ce que c'était par un témoignage simple, pas par des choses compliquées, ce qui fait que c'est abordable pour quelqu'un de jeune. C'est limite que le style soit au service effectivement de la diffusion du témoignage, entre guillemets, que l'auteur s'efface un peu, même s'il s'efface jamais, parce que un auteur qui a un style simple, ça reste un auteur qui réfléchit à son style. Mais c'est un style abordable par tous, par le plus grand nombre. C'est vrai que c'est un bouquin qui est beaucoup conseillé par des profs. Enfin, moi, les gens que j'ai pu voir sur des forums, etc. Parce que donc, je vous rappelle qu'on fait des petites recherches sur le bouquin de l'autre avant. Histoire de poser les bonnes questions. J'ai pas trouvé grand-chose, mais par contre, j'ai trouvé pas mal de gens qui ont dit « Ouais, ça a été conseillé par mon prof, etc. » Ça me surprend pas si on aborde l'épisode de la révolution culturelle à l'école, ce que moi, je me souviens pas avoir eu. Enfin, je n'ai pas le souvenir qu'on en ait parlé. C'est effectivement un bon moyen d'avoir. C'est un témoignage. Pour un adolescent, c'est facile à lire. Oui, c'est 120 pages. Gros bouquin, ça se lit très vite. Je te partage une petite anecdote, parce qu'il y en a un sur un forum qui a regretté d'avoir dû le rendre trop tôt. Je pense qu'il avait emprunté au CDI, puis il fallait qu'il le rende. Parce que du coup, il avait bien aimé le début, mais il n'a pas. Il n'a pas lu la fin. Mais je sais que tu peux réemprunter le livre, Jean-Jacques. N'hésite pas. Oui, mais du coup, si le prof l'a conseillé, il a peut-être été pris par tous les élèves successivement et il n'a pas eu le temps de le réemprunter. C'est vrai que ça s'est arrivé, ça. C'était bien chiant. Quand tu as un prof qui conseille un livre et que tout le monde veut le lire et que tu as un exemplaire du livre dans le CDI... Non, mais le truc le plus chiant, c'est pas ça. C'est pas fait que tu ne l'aies pas lu. Le truc le plus chiant dans ces cas-là, c'est que tu te rends compte que toi, tu voulais faire le faux cul en prenant le bouquin pour le lire. Et tout le monde le fait. Mais que du coup, tu n'es pas le seul. Oui. Et les autres te font chier parce qu'ils se rendent compte qu'ils veulent aussi... Mais en fait, la solution, c'est d'aller le prendre ailleurs. Tu ne prends pas qu'au CDI. Tu achètes un livre ailleurs que si le prof a des intérêts personnels. Là, c'est un calcul qui est judicieux. Et tu lui fais bien savoir que tu l'as acheté. Oui, mais bon, tu peux le lire aussi simplement parce que c'est un bon livre. Non, il faut quand même qu'on soit un peu focus. Du coup, je me trouve un peu dépourvu de... Parce que J'ai pas forcément de... C'est un peu le côté... C'est vrai que dans la manière dont on prépare les émissions en allant sur les critiques... Ça nous permet d'avoir du matériel pour poser des questions, oui, normalement, pour mais orienter. Là, bon, c'est... Bon, le premier réflexe, c'est un peu le site référence, c'est Babelio. Mmh. Bon, je suis allé sur Babelio, j'étais sur quelques blogs. Les critiques sont très positives. Du coup, ça pose un peu cette question-là. Donc, j'ai pas de l'aspect négatif. J'ai pas des gens qui auraient pointé un truc pour pouvoir te poser des questions. Mais alors, du coup, c'est est-ce qu'au final, c'est pas est-ce que c'est pas finalement un livre un peu consensuel, un peu qu'est-ce que toi tu vas en retenir de ce livre? Est-ce que tu penses que c'est un livre qui va te marquer ou est-ce que tu penses qu'au final c'est un livre de témoignage qui t'a éveillé à quelque chose? C'est un livre de témoignage qui m'a confortée dans ce que je pensais un peu de ce qu'était la révolution culturelle, parce que même si je ne me suis pas forcément intéressée comme tout le monde, j'en sais 2-3 bricoles. Et c'est un témoignage qui va dans le sens de ce que j'imaginais avant. Mais ça illustre bien. Mais c'est un bouquin que j'ai pris énormément de plaisir à lire. Parce que vraiment, il est très bien écrit. Tu vis ce que vit le personnage. Il y a des très beaux passages. Après, je vais pas en faire. Mais c'est le problème des livres qu'on aime en fait, sur lesquels on se retrouve sans avoir grand chose à dire derrière, parce que il y a pas de matériel pour critiquer en fait, ou pour pointer des choses. Mais du coup, est-ce que c'est un livre, à défaut de l'aimer ou pas l'aimer, je déplace un peu le débat, est-ce que c'est un livre qui fait réfléchir? Parce que, mine de rien, il y a visiblement déjà au moins 2 questions philosophiques qui sont posées dans le bouquin. Mais est-ce que c'est quelque chose où toi, tu as eu des temps de pause qui t'ont amené à réfléchir, à peut-être faire des comparaisons de situations ou ce genre de choses? Alors, je ne suis pas dans une période où j'ai beaucoup de facilité pour réfléchir. Oui. Ça n'aide pas des masses. Du coup, est-ce que tu penses que c'est un livre qui peut faire réfléchir? Mais oui, je pense que c'est un livre qui peut faire réfléchir sur... en fait, ça te fait réfléchir sur la manière dont Mao a très intelligemment utilisé cette... allez-y, critiquez le régime pour vous montrer qu'on est ouvert. Critiquez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, et pour ensuite se servir de tout ce qui a été dit pour se débarrasser de toutes les personnes qu'on critiquait. C'est très intelligent ce qu'il faisait à l'époque. Oui. Et du coup, ça devrait rendre les gens un peu plus méfiants. Et ça Du coup, moi, j'ai demandé à ce qu'on me dévaccine, hein, parce que maintenant, là, je suis très méfiant. Je connaissais mais pas ce passage. Ça amène à réfléchir sur le fait que, même encore aujourd'hui, ça existe, ça. Enfin, pas de la même manière, même si ça existe encore de la même manière, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux où on t'amène, où t'es amené à dire tout et n'importe quoi, où tu critiques facilement parce que tu te sens protégé derrière ton écran et où un jour ou l'autre ça va se retourner contre toi. Finalement, il n'y a pas de grande différence. Mais où il y a effectivement, tu prends aujourd'hui, tu vas dire des choses sur les réseaux sociaux et tu peux te retrouver licencié par ton entreprise parce que ça va pas. Alors que c'est juste une idée, même si tu les mets à titre personnel, ça va aller à l'encontre mais c'est, des voilà, intérêts c'est, de ton entreprise. Tu représentes, tu as une image. Aujourd'hui, les employeurs, quand ils recrutent, ils se contentent pas du CV, de la lettre de motivation. Ils peuvent taper ton nom sur Internet et trouver tout ce que tu as pu dire sur des forums, sur aussi peu que tu prennes pas de pseudo évidemment, mais sur des forums, sur les réseaux sociaux, et ce qu'ils vont voir, ça peut influencer le fait qu'ils vont t'embaucher ou pas, parce que tu vas aussi être une image de la société dans laquelle tu vas travailler, et finalement c'est ce qu'a fait Mao à cette époque-là. On le voit aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est en grand, en universel, c'est la même chose, quoi. Ça te donne une liberté parce que tu te sens protégé derrière ton écran. Et en fait, tout ce que tu dis peut être retourné contre toi à un moment donné, voire même déformé. Mais il y avait, alors je ne sais plus dans quelle série j'ai regardé ça, je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps, et il y avait un passage dans la série où en fait, c'est peut-être un court métrage, je ne sais plus, si je le retrouve je le mettrai en note de podcast, mais qui fait un peu penser à ça et qui du coup fait réfléchir sur les réseaux sociaux, c'est que il y a une fuite de données où au final est publié sur Internet tout ce que les gens font sur leur smartphone. Oui, et on l'a vu dans... Les gens sont enfermés, sont dans un mariage ou je ne sais plus quoi. Oui, on l'a vu, ça, c'est... Alors, je ne sais plus dans quoi c'est. Mais ils sont dans un mariage oui. Sur une île où il n'y a pas du tout de connexion. Et ils sont paniqués juste... à l'idée de ce qui a pu être dit sur... Voilà, il y en a juste une qui tenait vraiment à appeler quelqu'un ou je ne sais plus quoi, du coup, qui est allée dans la plage, elle a fait 10 mètres dans l'eau et puis mais pour avoir... On l'a regardé ensemble et je n'arrive pas à me souvenir ce que c'était. Je sais plus. Et du coup, oui, tu te retrouves avec tout le monde, se retrouve bah, finalement des Isabao, c'est ça Dazibao. Azibao. Dazibao. Dazibao. Tout le monde se retrouve finalement avec un Dazibao géant, c'est-à-dire que c'est la liste de tout ce que tu fais sur les réseaux qui sont pas toujours avouables. Et c'est vrai que nous, on a tous des comportements où on se dit... Individuellement, peut-être non, mais au cumulé, si les gens savaient ce que je cherchais, mon historique, etc. Oui, si tu regardes, par exemple, l'historique de recherche sur Google, des fois, tu vas te dire, mais les gens, il a fait des recherches sur le sadomasochisme. Mais on a eu la réflexion il n'y a pas longtemps au travail, parce que je ne sais plus ce qu'on a cherché. Puis j'ai un collègue qui cherchait. C'était un truc le midi, où on cherchait, on était devant notre PC, on cherchait, on était en pause. Et tu te dis, mais si notre employeur, à un moment donné, nous veut du mal, veut nous virer. Oui, qui regarde des recherches qu'on a pu faire. Et tombe sur ça, ah bah vous voyez, il cherche ça pendant ses heures de boulot. Qu'est-ce que tu veux te défendre derrière ? C'est pas possible. C'est la méfiance perpétuelle. Mon Dieu. Mais finalement, ça te renvoie à ça. Et c'est un débat qui est très actuel. Oui, un peu trop. Je voulais lire ton livre, je vais pas le lire. Ça va me faire peur. Non, il faut... Si tu veux le lire, tu peux le lire. Il est vraiment... j'aimerais beaucoup lire le passage qui est à la fin, justement, qui ouais, le passage, alors il faut que je vous dise qu'elle s'est testée hier sur un passage. Elle s'est entraînée pour vous, chers auditeurs, parce qu'elle voulait que ce passage soit intelligible, parce qu'elle sentait qu'elle allait pleurer. Donc, je ne dis pas comment ça s'est passé hier. Mais je veux bien que tu prévoies la boîte de mouchoirs au cas où. Je ne sais pas où elle est. Normalement, elle est sur le bureau, à sa place habituelle. Oui, mais il faut que je me lève, ça va faire du boulot. Bon, c'est pas grave, j'ai un coussin, je pleurerai. Tu pleures pas. Parce que je trouve qu'en fait, ça résume ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure sur le fait que toutes ces personnes qui ont vécu toutes ces horreurs arrivent à les surmonter. Et pour une fois, c'est moi qui vais en parler. Mais on parlait aussi des gens qui avaient surmonté la Shoah et qui en avaient... on va pas parler encore de ces sujets. On va encore parler de Primo Levi. Sur le fait que même si tu as vécu des horreurs, tu arrives encore à vivre à vivre vraiment, c'est-à-dire à trouver du plaisir à la vie, à t'émerveiller de choses, même si tu as vécu l'horreur avant. J'ai aimé c'est la dernière page du roman, en fait. C'est vraiment la dernière page. Et c'est comme si c'était la morale de l'histoire, de ce que l'auteur retenait comme morale à l'histoire que cette personne qu'il ne connaissait pas lui a racontée. Alors avant que tu le lises, je t'informe que je vais fermer les yeux. Oui. C'est juste que je vais fermer les yeux pour me concentrer sur ta lecture et sur ce que tu as dit, parce que je dois t'avouer que hier, quand tu as répété, je savais que tu répétais, je savais que je te réécouterais, donc je t'ai pas vraiment écouté hier. Donc je vais redécouvrir ce passage. Alors, je retrouve le passage. Ces dernières années, j'avais parcouru la Chine du nord au sud. J'avais rencontré beaucoup de gens comme lui. Ils avaient subi toutes les misères du monde, mais rien dans leur apparence ne pouvait le laisser deviner. Ils avaient gardé peu de traces visibles de leur souffrance. Et quand, parfois, ils racontaient leur histoire, c'est à peine si on les croyait. La vie les avait accablés de tout ce qu'elle pouvait comporter de dureté, d'injustice, de cruauté, mais eux, arrivaient à surmonter toutes les ignominies et à tout encaisser. Peu importe qu'ils aient mené une vie de chien, une vie de moins que rien, ils ne semblaient pas marqués. On aurait dit qu'ils digéraient tout, silencieusement. Ce qu'ils avaient subi ne faisait que renforcer leur instinct de survie. Ils mettaient toute leur lucidité et leur énergie à résister. Même anéanti par le plus profond des désespoirs, l'homme ne peut se résoudre à quitter la vie. Est-ce la peur de l'inconnu ou l'espérance insensée de jours meilleurs qui le retient ? Peu importe qu'il soit bafoué, torturé, l'homme continuera, envers et contre tout, à vivre. Tu noteras que je n'ai pas pleuré et que ma voix n'a pas tressailli. Non, il n'y avait pas de trémolo, alors qu'hier, il y en avait. Oui, parce que je m'étais entraînée, justement. Tu n'as pas pleuré hier? Non. Il y a eu des trémolos. On a senti des moments de glissade. Mais là, non, c'était bien. Mais parce que, justement, je me suis entraînée pour savoir si j'arriverais à le lire. Mais du coup, ça manquait d'émotion. Oh. Je sais, je suis un enfant. Je me suis retenue de le dire, enfoiré. Mais voilà, j'aime cette phrase de fin parce que ça donne vraiment l'impression que c'est la morale de l'histoire. On lui a raconté des horreurs, visiblement de très nombreuses fois, et ce qu'il en retient, c'est que les gens, malgré ça, arrivent toujours à continuer à vivre. Et ça me rappelle ce que tu m'as souvent dit sur Primo Levi. Je ne sais pas, faudra que je réécoute les anciennes émissions. Bah, je sais pas, on en a parlé à peu près. Je pense que, je pense que c'est les. C'est l'année où on a plus parlé de Primo Levi. Il y a deux choses de constantes dans ce podcast. C'est un, les chats, deux, Primo Levi. D'ailleurs, tu as cherché Primo Levi. Parce que c'était son anniversaire. Hier, le 2 août. Je ne sais plus, hier ou avant-hier. Non, le 31 juillet, je crois. 31 juillet. Ouais. Quelle journée riche. Donc, c'était Que sans fleurs s'épanouissent. Que sans fleurs s'épanouissent de Feng JK. J'avoue que je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Aux éditions Gallimard. Oui. Vous retrouverez évidemment, chers auditeurs, les liens vers les fiches éditeurs en note du podcast. Et alors, pour le coup, j'ai l'impression que c'est moi qui ai très très mal vendu mon livre. Non, mais t'as tout le temps l'impression de mal vendre tes livres. Oui. Alors que non, tu les vends bien. Je regardais si j'avais le prix au dos pour dire. mais il n'y a pas marqué le prix. Donc du coup, en note du podcast, vous retrouvez également le lien vers le petit formulaire pour nous faire des suggestions de livres en lien avec la thématique. J'avoue que j'ai pas vérifié avant l'émission. J'ai vérifié, il n'y avait rien. Mais c'est pas grave, on s'accroche un jour. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Un jour, quelqu'un nous partagera un truc et on sera très content de partager. S'il vous plaît, n'hésitez pas à parler, partager les livres que vous avez lus qui sont en lien avec ce dont on parle. Et si aujourd'hui vous êtes un peu bloqué parce que vous dites ouais mais vos thématiques moi j'ai jamais rien lu de ça etc, rappelez-vous, vous pouvez mettre un commentaire sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict, de préférence avec 5 étoiles, voilà, pour dire ce que vous pensez de l'émission, mais aussi nous faire une proposition de catégorie que l'on s'engage à faire un jour ou un autre, Potentiellement l'année prochaine parce potentiellement que déjà, l'année prochaine ça commence à ça. On commence un petit peu à y réfléchir, parce que mine de rien, on est au 7e mois de l'année et il ne nous reste plus que 5 livres à lire. Et oui. Et là, moi, je panique parce qu'en fait, je n'ai aucun des livres des 5 prochains mois, oui, à parce part que le mois de septembre. Vrai, en vrai, on n'est pas du tout le 34 juillet, on est le 3 août. Bah si, on est le 34 juillet. Et tu n'as pas encore trouvé ton livre, alors que moi, j'en ai 2. Oui. Et pourtant, le thème n'est pas compliqué en soi. Il est plus compliqué que ce qu'il y paraît, ouais. Parce que le thème, c'est, tu le rappelles ? C'est un roman qui parle d'éclipse. Oui. C'est ça, je crois. Je vérifie la formulation, mais il me semble que c'est un roman. Hein. Oui, un roman avec une éclipse. Ouais. Donc. Et c'est pas si facile que ça d'en trouver, parce que quand tu vas chercher, tu as. Bah, en fait, souvent, tu vas avoir le mot éclipse dans le titre. Oui, alors là, je vais pouvoir lire la suite de Twilight. Voilà. C'est un roman avec une éclipse. Mmh. On n'a pas dit le temps que devait durer l'éclipse, etc. Et là, pour le coup, donc, en fait, tu te retrouves très vite tourné vers des trucs où ça parle d'éclipse. Mais du coup, tu passes totalement à côté de romans où il pourrait y avoir des éclipses, mais peut-être qu'ils sont sur des sujets... Mais qui sont juste... c'est juste un événement dans l'histoire, quoi. Voilà. À un moment donné, il y a une éclipse et... Là, j'avoue que moi, j'ai bien été aidé par mes recherches, mais aussi le dialogue que j'ai pu avoir avec le libraire. Qui, pas de chance pour moi, est en congé jusqu'au 15 août, donc j'ai l'impression que je me débrouille toute seule. Libraire à qui j'ai donné la catégorie du mois de septembre et qui, alors que je pensais que je l'avais oublié, m'a envoyé un petit SMS avant ses congés pour me dire « voilà une proposition de livre pour septembre ». Et je me dis « ah, il est très bien ». Moi, donc, j'ai déjà le livre pour septembre, mais qui peut potentiellement changer. Hein. Si je trouve autre chose, parce que si je me souviens bien, il est assez gros. Ça va dépendre du livre. Mais sache en tout cas que ma proposition tient toujours. J'ai dans mes livres un livre où il y a une éclipse. Oui, mais tu m'en as déjà beaucoup parlé. Et... Oui, c'est vrai. Mais bon, je sais qu'à défaut, je pourrais toujours le lire. J'en parlerai peut-être à ce moment-là, sachant que j'ai prévu deux livres. Oui, mais tu n'en as lu qu'un sur ceux que tu avais déjà prévus. C'est pas vrai, sur j'ai les commencé deux que le tu deuxième. Avais des... Oui, on n'avait pas fait cette émission, je l'aurais lu ce soir, on aurait enregistré demain et du coup, j'aurais parlé de deux livres. Bon, tu l'aurais pas fini en une soirée. T'en sais rien. Bah, mine de rien, il est déjà 11h15, donc on a quand même fait 3 quarts d'heure sur le mien aussi. Ben oui, parce que ça fait 1h32 d'enregistrement. Bah, c'est ça. Voilà, donc l'occasion de vous rappeler, j'ai pas de notes hein, sur comment on ferme l'émission. Rappeler... On a dit donc la catégorie, c'est l'éclipse. La catégorie du mois prochain, c'est donc un roman qui parle d'éclipse, ce qui est très ouvert malgré tout. Voilà. Ça peut être juste un événement ponctuel dans le roman. Et donc, on a fait à peu près le tour. Vous rappelez donc qu'on est disponible sur podcast, enfin sur PodCloud. On est diffusé via PodCloud et disponible via Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Normalement, on y est. Les petits chanceux qui ont Alexa arriveront peut-être à écouter le podcast via Alexa et nous diront comment qu'ils font parce que nous, on n'y arrive jamais. Non, c'est pas très facile avec elle. Hein. Parce qu'on aime bien se réécouter en podcast. Et sinon, bah, c'est à peu près... À peu près tout, bah, c'est émission, à peu près tout, oui. Donc du coup, on finit avec le mot de la fin. Et tu n'as pas le droit d'utiliser le mot guimauve, bibiche. Zut alors, c'était pourtant celui que je voulais utiliser. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le calendrier républicain, c'est le jour de la guimauve. Et qu'avec la guimauve, on fait les chamallows. Voilà. Mon chamallow à moi. Voilà, c'est... merci de flinguer ma réputation auprès de tous. Oui, alors amis. En même temps, depuis On achève bien les endives, tout le monde sait que je t'appelle chamallow. Ça dépend, c'était peut-être dans un épisode qui n'a jamais été publié. Non, il a été publié. Puis ça se trouve, les gens n'écoutent pas, on achète les endives. Et puis, Bibi Malo, ça marche bien. Hein. C'est marqué sur tous nos challenges et lectures. Bye, Bibi Malo. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bibi, Bibiche, Malo, Chamallow. Moi, je pensais que c'était juste Malo parce que, voilà, Malo. Voilà. Ça m'allait bien, Malo. Du coup, il faut que je trouve un autre mot. Oui, un autre mot de la fin pour finir, afin que je puisse lancer le générique. Bah... Ah non, celui-là, je l'ai déjà utilisé, je crois. Eh bien, le mot de la fin, ce sera croquette.